Pour vos différents travaux de chauffage et de plomberie, c'est l'équipe de Plomberie Air Maurice qu'il faut consulter. Une entreprise professionnelle en affaires depuis plus de 40 ans qui saura bien vous conseiller pour vos travaux. Toute notre équipe vous souhaite une bonne année, santé, bonheur et prospérité. Ce sont les vœux de l'équipe de Plomberie Air Maurice du 277 route du 1er rang, Albanel. 418-276-2204. Premier commentaire de l'année de notre ami Marc Fortier. Salut Marc. Salut Danny. Marc, écoute, j'ai su quelque chose ce matin, puis je vais voir tes commentaires. Le Canadien a le pire jeu de puissance des 42 dernières années dans son équipe. Moi, je pense que c'est ça qui peut faire en sorte qu'ils vont rater les séries. Bien, c'est sûr et certain que ça peut être un élément, surtout après les fêtes. Le hockey avant les fêtes et le hockey après les fêtes est souvent différent. Pourquoi? Parce que après les fêtes, on joue du jeu plus serré. Chaque point, on peut voir là, le manque pour les points, là, pour obtenir les séries. Alors, le hockey change un petit peu dans tous les calibres, junior, majeur, midget 3, dans la Ligue nationale. On voit vraiment que le jeu se referme en deuxième moitié de saison. Alors, qu'est-ce qui devient important dans la victoire et la défaite? C'est le jeu de puissance et le désavantage numérique. Alors, ce sont deux éléments qui peuvent faire la différence. Et c'est sûr et certain que, présentement, le Canadien, ça peut jouer contre eux si ils ne replacent pas cet avantage numérique. Qu'est-ce qui fait que ça... C'est mental, c'est-tu le manque de confiance, c'est-tu quelque chose... moi, on me dit que le jeu de puissance dans la Ligue nationale, souvent, là, c'est les ça marche par séquence. Oui, mais tu sais, quand t'as un jeu de puissance qui est bien rodé, des fois, moi je me souviendrai toujours, je me rappelle à l'époque, là, je me ramène à l'époque, mais avec les Saguenayens, on avait un avantage numérique à un moment donné. Tout le monde savait qu'est-ce qu'on allait faire. Tout le monde le savait, l'équipe adverse, puis on réussissait quand même à marquer puis à déplacer la rondelle comme on le voulait. Alors, c'est sûr et certain que ça prend les éléments, ça prend une bonne chimie dans ton avantage numérique, ça prend les bons éléments. Et puis, aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile parce qu'avec les vidéos, les équipes sont capables de décortiquer un avantage numérique au mouvement près. Alors, ils savent qu'est-ce qui s'en vient. Alors, ça devient plus difficile. Ceci étant dit, quand un avantage numérique ne marche pas, ben qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois ramener ça le plus simple possible, c'est-à-dire d'essayer de amener le plus de rondelles possible au filet, puis d'avoir de la circulation devant du but. Alors, c'est ça qui souvent peut faire la différence. Puis lorsqu'on a un gars comme Weber, avec la qualité de son lancer et avec la qualité des passeurs que tu as avec Domi et Drouin, c'est difficile à comprendre pourquoi que l'avantage numérique du Canadien ne fonctionne pas plus que ça. Parce qu'il y a des années que les années fonctionnaient bien. Tu te rappelles-tu de Marc-André Bergeron? Oui. D'un Sheldon Surrey. Il y avait quand même, il y avait un bon lancer. C'est une chimie. J'imagine que c'est plus une question de chimie. Oui, bien c'est sûr et certain, mais tu sais, c'est sûr et certain que Weber a tellement un bon lancer que tout ce que les équipes adverses font, ils vont tricher sur Weber. Hein? Ils vont essayer de d'enlever cette option-là. Alors, c'est aux autres là, de répondre. Et puis, tu sais, Drouin ne joue pas son meilleur hockey présentement. Il n'est pas créatif sur la glace. Il joue en périphérie. Alors, tu sais, c'est un joueur comme lui. Lui peut être l'élément clé dans l'avantage numérique du Canadien. Et présentement, il semble plus se chercher que d'autres choses. Alors, ça amène une situation qui est difficile. Mais effectivement, tu as raison. Ça peut être néfaste pour le Canadien pour une place dans les séries. Parce que souvent, c'est une coupe de buts qui font la différence. Hein? Puis ces buts-là sont pris en avantage numérique. C'est là. C'est ça. Oui. Il y a une statistique d'année, là, nous autres, qu'on regarde, qu'on essaie d'atteindre lorsqu'on est coach d'une équipe ou quoi que ce soit, ou qu'on joue pour une équipe, c'est que tu veux atteindre 100% et plus de ton avantage numérique et ton désavantage numérique. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mm. Ça veut dire que si ton avantage numérique est à 20%, admettons, mais tu veux que ton désavantage numérique soit à 80%, si tu additionnes les deux, ça te donne 100%, lorsque tu es au-dessus de 100%, habituellement, tu peux obtenir du succès. Mais tu arrives souvent des avantages numériques. Le Canadien, admettons, est à 9, puis leur désavantage numérique est à 82. Ça te donne 91%. Là, tu peux être dans le trouble. Alors, souvent, cette statistique-là ne ment pas. Lorsque tu es au-dessus de 100% dans ton avantage et désavantage numérique, tu obtiens souvent de bonnes séquences. OK, OK. En tous les cas, j'ai hâte de voir. Parce que ça, c'est important. Puis moi, je pense que ça va être la clé. C'est ça qui va faire que le Canadien, si ça ne se replace pas, là, c'est ça qui va faire en sorte qu'il va falloir peut-être pointer de ce côté-là. Le match des étoiles, comment tu vois ça? Carey Price qui y va pas, Alexander Ovechkin qui y va pas. On sait que le match des étoiles, c'est fait pour les commanditaires. Mais à un moment donné, écoute, il n'y en a pas de formule parfaite, hein? Non, il n'y a pas de formule parfaite. Je n'aime pas tant la formule présentement. Voilà. Il y en a qui ont aimé ça au début, disant que c'était spectaculaire et tout. Mais pour moi, un match des étoiles, c'est S-West. Peu importe. Puis tu vis avec. Exactement. S-West, les meilleurs joueurs de chaque conférence, là. Puis tu fais un match des étoiles, là, traditionnel. Je pense que c'est la meilleure formule. Maintenant, il y en a qui ont dit est-ce qu'on devrait éliminer ça. Moi, je pense pas. C'est spécial. C'est quand même, là, tu retrouves les meilleurs joueurs tous ensemble dans ce match-là. C'est festif. Moi, j'aime le match des étoiles. Pour les joueurs, est-ce qu'ils devraient être obligés d'y aller à part que c'est une blessure, là? Il y en a qui ne vont pas parce qu'ils veulent se reposer. T'sais, je comprends Ovechkin. Price aussi. Quand tu fais les séries, tu te rends jusqu'au mois de juin. Tu recommences ta saison tout de suite au mois de septembre. Tu n'as pas beaucoup de repos. C'est très exigeant une saison de hockey de 82 matchs avec le voyagement, avec le décalage d'heure. C'est éreintant. Mais il me semble que moi, ça devrait être une obligation pour les joueurs en santé d'y aller. Ben effectivement. Charles Hudon, tu l'as bien connu. On dit souvent que l'entraîneur... Moi, je dis tout le temps que souvent, la ligne est mince. Pour ça, on en a parlé souvent au cours des années, Marc. La ligne est très, très mince entre un bon joueur de la Ligue nationale et un joueur de la Ligue américaine. Dans le cas de Charles Hudon, souvent, c'est la confiance. Et quand ton entraîneur t'a fait confiance, le joueur vient en confiance. Dans le cas de Charles Hudon, je pense que c'est ça. Ce gars-là peut pas jouer, je pense, un quatrième trio de la Ligue nationale. Ah, Charles Hudon est tellement talentueux. C'est un gars qui a un hockey sense qui est au-delà de la moyenne. Il a des très bonnes habiletés, mais... Charlie a pas de chaise présentement, puis la chaise qu'on lui offre, c'est pas la chaise faite pour lui. Alors, c'est sûr que c'est difficile. C'est un gars qui est surtout offensif, qui normalement devrait se retrouver sur les deux premiers trios. Il livre pas la marchandise présentement pour être dans cette position-là. C'est une situation difficile pour lui. Souvent c'est l'entraîneur. On voit que c'est pas le favori de Claude Julien. C'est ça qui est dommage, hein? Qu'est-ce qui manquait un petit peu à Charlie? Son coup de patin? Son coup de patin, oui, mais je trouve que c'était plus un facteur dans le cas de Charles. C'est sa constance et son intensité. Hein? C'est souvent ce qu'on lui reprochait junior, parce que c'est un gars qui était tellement au-dessus des autres, tellement talentueux qu'il pouvait se permettre d'être à demi-mesure et être quand même un joueur dominant. Lorsqu'on arrive dans la Ligue nationale, si t'es pas la pédale au fond à tous les matchs, tu risques, tu sais, Drouin, on le voit, Drouin, c'est un exceptionnel, mais Drouin, il doit quand même avoir la pédale au fond s'il veut obtenir du succès, et lorsqu'il le fait pas, ben ça donne les résultats qu'on voit présentement. C'est pas du gros hockey. Non, effectivement. Le Lightning est un probé, 33 victoires, 8 défaites, ont 68 points jusqu'à maintenant. Il menace le record du Canadien du nombre de points des années 70. Dans les années 70, le Canadien, il n'y avait pas de match nul, il n'y avait pas de points bonus de défaite en prolongation. Je trouve ça ridicule, d'ailleurs, ce règlement-là. J'aimerais ça qu'on l'enlève. Est-ce que le Lightning est un probé? C'est sûr que... moi, je dis tout le temps que la saison s'est rendue les séries avant les séries. C'est tellement compétitif. Le Canadien joue facile. Jouer pour 500 maintenant, c'est plus suffisant. Mais est-ce que le Lightning de Tampa Bay aurait avantage à lever le pied? Parce que moi, j'ai l'impression qu'à un moment donné, s'il domine comme ça, il pourrait trouver un Waterloo en série. Hein. C'est, on disait ça au baseball l'année passée, ça n'a pas arrivé avec les Red Sox de Boston. Par contre, à un moment donné, ça, c'est pas impossible. Il faut que tu connaisses une période creuse. Est-ce que tu penses que le Lightning de Tampa Bay, pour leur bien, ils devraient connaître cette période creuse-là? Ben, c'est dur, là, Danny. Tu peux pas demander. Ouais. Non, je sais, mais. Professeur, à des gars de lever le pied. Non, je sais, mais. Et d'espérer de perdre. Ça, c'est des clichés, hein. C'est des statistiques qui nous démontrent qu'à un moment donné, si t'as pas une période creuse, tu peux l'obtenir. Mais, hey, pourquoi qu'on pourrait pas avoir une saison exceptionnelle? On avait avec les Red Sox au baseball. Ben oui, on avait avec les Red Sox. Regarde le Midget 3, les V, ils n'ont pas perdu un match encore. C'est incroyable, ça. Pourquoi qu'il faudrait qu'ils en perdent? Non, moi, je pense que Tampa Bay sont bien huilés. Je ne crois pas qu'ils ont... Si, admettons, là, on change ça. Si, admettons, Tampa Bay avait du succès, OK? Et seulement à cause que... que Kucherov puis les Kingpins là, sont surutilisés, ils jouent 30 minutes par match, c'est pour ça qu'ils ont du succès, mais on dit ils vont peut-être manquer de jus jusqu'à la fin de la saison si on ne repose pas Stamkos, si on ne repose pas Kucherov. Là, je te dirais, oui, je suis d'accord. Mais dans leur cas, là, les quatre trios contribuent, c'est jamais le même gars qui fait gagner l'équipe, ils sont bien balancés, sont bien utilisés. Alors, pourquoi tu dirais, « Hey, les gars, on va ralentir, on va passer sur le break un peu parce qu'il faut connaître notre part de notre baisse de régime. » Non, moi, je trouve qu'ils vont bien, sont bien coachés, sont bien équilibrés. Et puis, tant mieux s'ils connaissent le succès qu'ils connaissent présentement. Et en plus, ils ont une belle contribution de joueurs québécois que personne n'a vu venir. Des gourdes, des paquettes, même Joseph qui joue au-delà des attentes. Alors, c'est vraiment une belle histoire. C'est un bon système de recrutement. Il obtient du succès. Il devrait, les autres équipes de la Ligue nationale devraient s'inspirer du Lightning de Tampa. Je parlais avec Gilles Bouchard, Marc, avant les fêtes. Gilles, il vient de Normandie, donc il vient de notre région, puis il me disait que. Il me disait que c'est vraiment le système, c'est de A à Z. Ça part d'en haut, puis ça va jusqu'en bas. Puis il y a peut-être la même recette, là. Absolument. Puis quand tu es solide au deuxième étage, là, souvent sur de la glace, tu vas être solide aussi. Ils ont des têtes de hockey exceptionnelles qui travaillent avec le Lightning, puis des Julien Brisebois de ce monde qui, je me demande pourquoi il n'est pas le directeur général d'une équipe de la Ligue nationale. C'est là, Oui, mais c'est une tête d'hockey exceptionnelle. Ouais. C'est le prochain sur la liste à devenir un directeur gérant d'importance. Ben ouais. Michel Boucher, qui s'occupe du recrutement au Québec, c'est un homme qui a un jugement, une critique qui est excellente. Il analyse bien les joueurs d'hockey. C'est lui qui a amené un gourde. C'est lui qui a amené ces joueurs-là qui permettent au Lightning d'avoir cette profondeur-là. Alors, chapeau à toute l'organisation de A à Z du Lightning, autant dans les mineurs que dans la Ligue nationale. C'est une belle histoire de succès. Oui. Marc, il me reste deux points que je veux te parler. Je t'ai pas parlé de ça en dehors des ondes. Je vais te demander vite. RDS, avant les fêtes, on fait un sondage. Demander aux gens leur top 10 des meilleurs joueurs nordiques Avalanche. Ils mettent l'Avalanche et les Nordiques dans l'équation. Toi, ton meilleur joueur de l'histoire des Nordiques, c'est-tu Joe Sakic ou Peter Sacheny? Tu peux mettre l'Avalanche aussi, mais McKinnon, je pense que vous allez être pas loin de là aussi. Là. Mais Sakic, je pense qu'un ou l'autre, tu ne te trompes pas. Là. C'est interchangeable. Puis, Moi, tu sais, on va parler de Peter, parce que Peter, c'était monsieur Nordique quand même. Ouais. C'est lui qui a mis les Nordiques sur la map. C'est le premier nom qui nous vient. Puis il y a des statistiques impressionnantes. Là, Peter, c'était une carrière exceptionnelle. J'ai joué avec les deux. Sakic, c'était la nouvelle génération. C'est un joueur d'une classe à part. Si tu me demandes sentimentalement parlant, je dois y aller avec Peter Stachny, mais tu ne peux pas passer à côté de ces deux joueurs-là. Là. C'était deux joueurs qui ont marqué l'histoire des Nordiques, chacun à leur époque, et puis c'est C'était incroyable. Et de l'Avalanche aussi, parce que je pense que MacKinnon va rejoindre ces deux-là avant longtemps, parce que dans l'histoire, quand on parle de Nordique, on parle de la franchise, le Nordique Avalanche. Mais je regardais ça, puis j'en parlais avec des amis, Marc. Les meilleurs joueurs de cette franchise-là, ils ont quasiment tous été à Québec. C'est sûr qu'on suit moins l'Avalanche parce que c'est au Colorado, c'est loin. Mais regarde, là, t'as Rantanen qui va joindre probablement ce top 10-là bientôt. Fais ton top 10, là. Ils sont quasiment tous des Nordiques. Les Nordiques? Rapidement, on va le faire. Sakic, d'après moi, Sakic ou Stachny, c'est interchangeable. Forsberg est troisième. Sundin, quatrième. MacKinnon est dans cette gang-là. Goulin. C'est ça. Ils ont quasiment tous été des Nordiques, là. Il y a eu un grand passage à vide. Le meilleur gardien de but, ça, c'est Patrick, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais il y a eu un grand passage à vide à l'Avalanche. Je pense que les Rantanen et compagnie vont rentrer dans le top 10 avant longtemps. Mais présentement, dans le top 10, c'est quasiment tous des joueurs des Nordiques. Oui, mais même, là, je me souviens pas. Vite comme Milan et Milan et Jukes, ça a-tu appartenu aux Nordiques avant d'être avec l'Avalanche? Je me souviens pas, là, et Jukes, là, mais c'était... Je pense qu'il appartenait aux Nordiques, mais il a commencé sa carrière d'Agnesson avec l'Avalanche. OK, peut-être, oui. C'est sûr que c'est d'excellents joueurs, là, mais... Tu sais, Danny, ça revient, on a parlé souvent, là, moi et toi, là, la souffrance de devoir finir dernier pour te permettre d'avoir une belle équipe, c'est quand tu nommes ces joueurs-là, là, hein? Nomme Forsberg, Sundin, des Sacks. C'est des joueurs qui ont été repêchés tôt. Pourquoi? Parce que les Nordiques ont fini dans les bas-fonds pendant plusieurs années. C'est ça qui a permis d'avoir des joueurs de la temple de la renommée comme ça, puis qui ont permis à l'Avalanche de gagner la Coupe Stanley. Alors, tu sais, on en parle souvent, tu sais, le Canadien, est-ce qu'il doit finir d'un bas fond? Ben, regarde, on en parle souvent. Chicago, c'était ça. Pittsburgh, c'était ça. Alors, c'est ce qui permet d'avoir ces joueurs-là. Puis c'est plate, mais c'est une souffrance qu'une équipe doit faire pour se le permettre. Dernier point, Marc. Je sais que je ne veux pas te mettre en boîte, puis je ne veux pas te mettre mal à l'aise, mais tu es impliqué dans la Légion majeure du Québec. Tu es encore avec les Remparts de Québec. Puis. Les Remparts, je pense qu'il y a eu 15 nouveaux joueurs. Patrick a fait le grand ménage. Martin Leclerc écrit sur le site de Radio-Canada, 25% des joueurs de la Légion majeure du Québec ont été échangés. Est-ce que c'est trop? C'est sûr que c'est beaucoup, Danny. On se cachera pas que 25% des joueurs, si tu calcules une vingtaine de joueurs, 18 équipes, là, c'est 375 joueurs à peu près. 25 pour ça, c'est un gros nombre, mais je pense que c'est une année exceptionnelle pour ça. Là. Moi, j'ai rarement vu ça. Là. Pourquoi? Parce que t'as 6 équipes à peu près qui cessaient là, pour aller à la Coupe Memorial. Là. Tu sais, là, habituellement, si t'en as 2, 3, c'est beau. Là, t'en as 6, c'est pas plus qui cessaient. Puis d'un autre côté, t'en as d'autres qui se disent, bon, ben là, on va en profiter pour reconstruire. Alors, tout le monde avait de quoi à faire. Là. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont dit « Nous, là, on fait le statu quo cette année. On ne bouge pas. On est content avec notre futur. On se sait pas pour le gros trophée cette année. Alors, on reste stable. » Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont fait ça cette année. Alors, tout le monde a été actif pour une raison ou une autre. Alors, c'est ce qui a fait que il y a eu autant de mouvements de joueurs, mais je pense quand même que c'est une année exceptionnelle où ce que ça se produira pas à tous les années. La Coupe Memorial est au Québec cette année. Alors, tu sais, ça a engendré là, beaucoup de mouvements, mais c'est vrai que 25%, c'est quand même beaucoup. Okay. Marc, très intéressant, on se reparle dans une couple de semaines. Ça fait plaisir, Daniel. Collaborateur Marc Fortier.